Chapitre 5e, le cœur plus large. Le lendemain, le capitaine La Rochardie, trouvant que pour un blessé une nuit au lit était largement suffisante, sauta hors de ses draps vers 11 heures, se plongea dans sa baignoire, se mit ensuite à faire quelques exercices pour détendre ses muscles et les remettre en place, puis il dit « Ça va bien, ça va très bien ». Il s'habilla, et quand ses deux amis vinrent pour prendre de ses nouvelles, ils le trouvèrent tout prêt à descendre déjeuner avec eux. Simona s'étonna de voir son ami déjà debout et s'écria « Ah, malheureux, c'est une grande imprudence dans l'état où tu es. » Mais La Rochardie lui répondit « Mon cher, j'avais la poitrine pressée un peu, même très pressée sous les mâchoires de fer de la machine à imprimer. Il faut la dilater, lui faire reprendre le cours normal de ses fonctions. Pour cela, j'ai besoin d'aller respirer l'air dehors et de quitter mon lit. » Montgomery regardait du coin de l'œil, tout en souriant malicieusement, La Rochardie qui parlait. Il dit « Nous comptions, Simone et moi, faire monter notre lunch ici, dans votre chambre, pour déjeuner avec vous. Mais puisque vous êtes debout, c'est vous qui allez lunch avec nous. Allons !» Les trois amis, peu après, se trouvaient sur le strand, et vraiment La Rochardie faisait belle contenance. Il souffrait bien encore beaucoup, mais pour rien au monde, il ne l'eût laissé voir. Ils arrivèrent ainsi à l'un des plus cotés restaurants de Londres, où d'un coup de téléphone, Montgomery avait retenu un coin privé. La Rochardie et Simonet furent quelque peu étonnés de voir qu'à la table qui leur était réservée se dressaient non 3, mais 5 couverts. Montgomery semblait, lui, ne s'occuper que de la santé de son ami La Rochardie. Il paraissait ne pas s'être aperçu du nombre de couverts que supportait la table par lui retenue. Le capitaine et le jeune chef de cabinet du ministre français eurent bientôt l'explication de cet excédent de couverts. À la porte de la salle apparut, dans un encadrement de grandes feuilles de palmier et de verdure, une jeune fille toute rose, toute blonde, qui chercha un instant de ses grands yeux bleus dans la salle et, ayant trouvé, descendit en souriant vers les trois amis. Derrière elle venait le type accompli de l'anglais de haute classe qui, ayant abandonné pour le moment la froideur classique de son visage glabre, souriait lui aussi, comme le père le plus heureux dans un moment de tendre joie familiale. La Rochardie avait aperçu, dès qu'elle apparut dans son encadrement de feuillage et de fleurs, la délicieuse Miss. Alors il sembla que sa poitrine oppressée, encore toute meurtrie, recevait un nouveau choc, qui, quoique différent de ceux dont elle souffrait, était néanmoins aussi fort, il sembla sur le point tout à coup de défaillir. Fort heureusement, Montgomery et Simonet le retinrent. Quelques secondes d'ailleurs lui suffirent pour retrouver son énergie et sa présence d'esprit, et il put, dans sa bonne et robuste main, prendre la main menue et diaphane que Miss Maud de Montgomery lui tendait. Il écouta comme un ravissement les paroles françaises qu'elle chantait avec son accent anglais, toujours amusant et charmant, sur les lèvres d'une jolie Miss, et pour cette fois encore, La Rochardie faillit perdre la parole tant il était ému. Il balbutiait d'une voix éteinte que vraiment ses amis ne lui connaissaient pas, quelques paroles incompréhensibles dont souriaient ceux qui l'entouraient. Respirant à peine, son cœur battant la charge, il dévorait des yeux Miss Maud, qui doucement, affectueusement, lui faisait encore ses vœux de prompt rétablissement. T. S. de Montgomery, le père, avait pris à son tour les deux mains de l'officier français. « Je suis heureux d'appuyer de vive voix les vœux de guérison que ma fille Maud vient de vous faire, et je suis fier, pour mon fils, d'avoir un ami de cette valeur. » Incidemment, se penchant à l'oreille, Montgomery, qui était, nous le savons, un pince sans rire à froid, dit à son ami La Rochardie « Je pense que si au péril d'une rechute terrible et de la compromission de votre convalescence, vous avez voulu venir déjeuner hors de votre chambre, c'est que probablement, à l'encontre des prescriptions de Paulin Broquet, vous avez deviné quelque chose. » La Rochardie voulut protester, mais Montgomery l'arrêta. « D'ailleurs, lui dit-il, c'est pour le mieux. » Vous voulez faire élargir votre poitrine pour tout y remettre en place. Eh bien, votre cœur, en se gonflant maintenant, y contribuera tout autant que le grand air après lequel vous aspiriez. Ce que fut le dîner dans de telles conditions ne peut se raconter. Il est de ces nuances de tendresse et d'affection qu'il est impossible de décrire. Mais franchement, La Rochardie aurait bien payé de tous ses après-dîners, passés dans un supplice comme celui de la veille, une matinée dorée par un bonheur pareil à celui d'aujourd'hui. Les trois amis restèrent quelques jours en Angleterre. Ils allèrent au château de la famille de Montgomery, où les bons soins de Maud opérèrent une guérison miraculeuse, si bien que cet enragé de La Rochardie put faire une belle randonnée à cheval avec Miss Maud, à la suite d'un certain renard que jusqu'alors personne n'avait pu prendre. Puis, le devoir les appelant, La Rochardie et Simonet revinrent en France, l'un pour regagner son escadron, l'autre le ministère. Naturellement, Montgomery les avait accompagnés à Paris. On fit fête à La Rochardie et l'on célébra son acte d'héroïsme et sa guérison par un de ces dîners copieux, bruyants et gais, dont les officiers de la cavalerie française semblent avoir le secret.